Nous avons quelqu'un qui ressemble à rien et qui aurait pu être. On aimerait voir son double. Et qui pourrait avoir comme baseline de sa vie l'anomalie. Voici Guillaume Guise. Alors là. De pire en pire. Attends, ça va, il y a Guy, c'est ton prénom. Ouais, au moins entre Guillaume principal. Et Guillaume. Ça va, les amigos mieux que toi. Alors, c'est pas pour tirer la couverture à moi, mais vous me connaissez. Je crois que je peux être considéré comme quelqu'un qui a eu assez peu de gastro-entérite dans sa vie. C'est vrai. Je mets ça en profil Tinder. Ernesto, 39 ans, peu sujet au virus gastrique. J'ai eu un match avec Michel Simès. Vraiment. C'est vrai en plus. 5 ans à la bande originale. Pas une fois, Nagui, je vous ai appelé pour vous dire « Allô, Nagui, maître vénéré, homme de goût et de savoir, 7e descendant de Toutankhamon, duc de France 2, comte de Taratata, puisse le Dumas vous accompagner dans tous vos projets, même les jeux. » C'est comme ça qu'on doit l'appeler, Nagui, au téléphone, sinon il répond pas. Je vous ai jamais dit j'appelle pour dire je viens pas demain, j'ai une gastro. C'est ma maladie préférée, la gastro. Franchement, c'est un win-win. Pour peu qu'au cabinet, t'es l'encyclopédie universelle, tu peux perdre 4-5 kilos, t'instruisant. C'est formidable. Mais c'est vrai. Moi, je fais ça quand je veux démarrer un régime. Quand je veux démarrer un régime, je viens à Radio France, je lèche un clavier. Vraiment. Résultat, le typhus, variante britannique. Ben, merci, Augustin Trapenard. Et à propos, hier matin, figurez-vous, j'étais en train de chercher une bonne intro pour ma chronique. Parenthèse, j'ai pas trouvé. J'ai l'impression que ça devient de plus en plus dur à trouver une bonne intro de nos jours, non ? C'est une tannée, les intros. Moi, j'ai dit, chance qu'on arrive bientôt au deuxième paragraphe. Là, il y a Hervé de Télé qui dit « Serge, j'ai eu le concours, mais je l'échange volontiers contre le sens de la construction de ce garçon. » C'est vrai qu'il y a Romain Gary, il y a moi. Et c'est vrai que, eh bien, j'ai lu, les amis, que les maladies saisonnières comme la grippe, la bronchiolite ou la gastro avaient quasiment disparu des radars cet hiver grâce à la généralisation des gestes barrières comme se laver les mains. Et je dis pas ça pour être désagréable, Daniel. Non, mais c'est vrai, je sais que vous faites de votre mieux, mais il y a un progrès en plus depuis que vous pensez lingette et tout. J'ai vu, c'est un début. Maintenant, faut juste se dire que le savon, non, c'est pas l'ennemi, Daniel. Non, c'est pas les big pharma qui en profitent. Non, ça, c'est les on dit, Daniel. Maintenant, le savon. Du coup, les médecins préconisent de garder certaines habitudes quand la crise s'affinit, genre les masques dans les transports en commun. Et franchement, les masques dans les transports en commun, même moi, à un moment avant la crise, j'avais eu l'idée, quoi. Vraiment, sur certaines lignes, j'avais même pensé à un système de scaphandre. Vraiment. Est-ce qu'il serait pas en train de dire que ça pue dans les transports en commun ? Parfaitement. L'humour qui dénonce. Mais c'est vrai, tout n'est pas à jeter dans cette pandémie. On critique le coronavirus à cause des lives de Patrick Gouel. En attendant, il y a d'autres habitudes que je vais conserver dans le monde d'après, genre les promenades, par exemple. Là, tous les jours, je vais me promener avec mes amis, vivre ma vie de Jean d'Ormesson. Franchement, sérieux, je croise des vieilles, elles me font des clins d'œil complices. Vraiment, même mes dates, je les fais au parc aujourd'hui. Avant le Covid, t'aurais dit une fille, rendez-vous à 19h au parc. Elle t'aurait dit, bien sûr, allez, compte sur moi, DSK. Mais là, ça passe. Avant, on allait boire des verres et tout. Là, comme par hasard, la fille, c'est toujours moi qui payais sa tourtelle. Toujours, et ben voilà. Là, c'est fini, terminé. Maintenant, on va au parc, c'est gratuit. Je vais au parc tous les jours, j'apprivoise un canard. Là, je lui apprends à dire une titi. Il progresse. Il n'arrive pas encore à prononcer. C'est un scandale, mais c'est parce que c'est pas un battant, mais ça va venir. Il y a une étude qui vient de sortir et qui dit que le temps passé en extérieur serait indispensable pour être heureux, quoi. C'est vrai. J'en parlais avec un SDF qui me disait après, c'est une question de dosage. Marcher, c'est ce qui me sauve. Hier matin, j'ai reçu mon rapport hebdomadaire de temps d'écran. En moyenne, j'ai passé 4h11 devant mon smartphone, 6h23 devant mon ordi. Ça fait plus de 10 heures par jour devant mon... Quelle vie, le mec qui veut écrire ma biographie, il finit le livre en 20 minutes, je crois. J'ai rien à dire. Et à ce propos, hier matin, figurez-vous, j'étais en train de chercher une bonne conclusion pour ma chronique. Parenthèse, j'ai pas trouvé. J'ai l'impression que ça devient de plus en plus difficile de trouver une bonne... Allez, bonne émission. Merci, bravo Guy, bravo. C'est bon là. J'ai bon, fils de la pampa et d'une batte de baseball.